Togo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur les Sanganiro. Nous sommes le 28 septembre 2020. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 150 personnes en Provence, Muyinga réclame le versement d'un total de 30 millions de francs burundais pour leurs prestations lors de la campagne de distribution des moustiquaires l'an dernier. Et alors que des étudiants finalistes à l'école normale supérieure se préparant au stage pédagogique réclament des frais pour cela, au bureau des bourses de stage, on en indique que le contrat qu'ils ont signé avec le gouvernement ne les prévoit pas. Et le gouverneur de la province Kirundo affirme que la cohabitation entre les résidents et les rapatriés récemment rentrés du Rwanda est bonne. Le reportage du jour nous conduira en commune Gitiranyi de la province Muyinga pour parler de réconciliation réussie des habitants après des années de clivage ethnique et politique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, les étudiants de l'école normale supérieure ENS qui se préparent pour les stages pédagogiques réclament des frais pour cela. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent avoir porté cette question aux autorités habilitées, mais regrettent qu'il n'ait pas encore eu de réponse. Et c'est au moment où le début de cette période au stage est prévu au 5 octobre de cette année. Suivez certains d'entre eux. Je suis un étudiant de l'école normale supérieure dans l'année terminale. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le frein de stage. On nous recommande d'aller faire les stages ici à Bujumbura ou à l'intérieur du pays, mais avec la vie que nous allons mener là-bas, c'est trop difficile, sans argent. La direction nous dit que ces frais ne sont pas disponibles. Ils disent qu'ils sont confondus avec pré-bourse, alors que le pré-bourse a remplacé la bourse. Dans le contrat du pré-bourse que nous avons signé, nous n'avons pas aucun article stipulant que les frais de stage et les pré-bourses sont confondus. Or, nous allons devoir quitter notre domicile pour aller s'installer soit à l'intérieur du pays. C'est un problème si nous n'avons pas de l'argent. Nous, les étudiants finalistes du cycle baccalauréat, nous avons besoin de frais de stage car bientôt nous attendons les stages. Dans ce stage, comme nos aînés ont les donné les frais de stage qui les aidaient pour la préparation de ces stages, nous aussi, nous avons besoin de ces frais de stage car il nous sera difficile d'exercer nos stages sans frais de stage. On a demandé depuis nos délégués jusqu'au représentant au directeur général de l'école normale supérieure et on nous a dit qu'ils n'ont pas d'informations en rapport avec ça. Après avoir terminé avec la représentation de l'ENS, on a pu écrire une lettre adressée à Monsieur le ministre chargé de l'éducation. Jusqu'à maintenant, on a attendu la réponse, mais en vain. Vu que les stages sont prévus le 5 octobre, nous demanderions que le ministère compétent et les parties prenantes de nous régulariser, sinon nous allons mourir de faim. Nous voulons que l'État nous aide à retrouver les frais de stage pour que nous puissions faire ces stages normalement. Ce que nous demandons, c'est que si réellement les frais de stage ont été abolis, il faut qu'on donne un écrit. Mais si c'est déjà aboli, nous supplions l'État de nous donner d'autres contrats à signer concernant les frais de stage pour que nous puissions exercer notre stage. Voilà, c'était quelques étudiants de l'école normale supérieure réclamant les frais de stage. Contacté à ce propos, le bureau des bourses et de stage des étudiants des universités publiques a indiqué que le contrat signé entre le gouvernement et les 10 étudiants ne prévoit pas ces frais de stage. Les conseillers au 10 bureau des bourses et de stage font savoir que cette somme représentant la pré-bourse a été majorée, passant de 31 000 francs à 60 000 francs burundais, justement, pour ces fins. Et le gouverneur de la province Cibitoke tranquillise la population de cette province que la situation sécuritaire est bonne. C'est après une fuite de certains ressortissants de Burkina Nyana signalée sur les réseaux sociaux suite à l'insécurité. Chose que le gouverneur nie. Karem Bizoza explique que cette situation aurait été provoquée par un groupe de bandits qui sont passés par la commune Kabarore en province Kayanza. On l'écoute. Avant-hier, on a communiqué avec le gouverneur de la province de Kayanza. Il nous a dit qu'il y a le volet qui est en train de passer par le Kabarore, mais qui sont sur la fin de la Kivira. Alors, puisque nous partageons la même forêt, on a quand même à la continuer à aller travailler. Mais à savoir qu'il y a le volet dans les maisons, il devait rester un message pour faire votre transparent. Les vivants étaient dans les ménages pour voler les personnes. Alors, il y a un petit peu de C'était le gouverneur de la province de Cibitoke. La cohabitation entre les rapatriés résidents en province Kirundo est bonne. C'est ce que confirme le gouverneur de cette province du nord du pays. Albert Atungimana dit que la majorité de ceux qui rentrent en provenance du camp des réfugiés de Mahama au Rwanda voisin sont originaires de cette province. Cette autorité demande à ceux qui sont toujours en exil de regagner leur pays natal car la sécurité est garantie, dit-il. La province de Kirundo a accueilli des rapatriés ces derniers jours. Nous sommes aussi informés que la majorité des rapatriés qui se trouvent dans le camp des réfugiés de Mahama sont 60% ressortissants de la province de Kirundo. Alors, dans les défenses que nous sommes en train de faire dans les collines, nous devons commencer par la commune de Moussoni qui va recevoir la majorité de ces rapatriés. Nous avons pu donner parole dans la réunion de sécurité que nous avons animée samedi passé. Et à un rapatrié venu de Mahama, il nous a rassuré que la cohabitation est bonne. Parmi les problèmes rencontrés, ils ont des problèmes. Certains, leur maison a été détruite par le vent, et d'autres, leurs enfants ne sont pas inscrits dans les livres d'état civil, c'est-à-dire les enfants nés au Rwanda. Et d'autres enfants à l'âge de scolarité ne sont pas inscrits. Ils ont un problème d'adaptation de langue parce que le système d'enseignement rwandais, c'est anglais. Au Burundi, c'est le français. Alors, pour toutes ces questions, nous sommes en train de les rassembler et puis les transmettre à l'échelon supérieur pour ce qui est de l'adaptation des langues et ce qui est de l'intervention, surtout la logistique. Nous lançons un appel à ceux qui ne sont pas encore rentrés, regagner leur pays natal, que le Burundi est en paix, particulièrement en province Kirundo. Nous sommes en paix et leurs champs sont disponibles, leurs maisons sont là. Et pour ceux qui décident de rimer, c'est parmi on a identifié ceux qui occupent les terres de ceux qui se sont réfugiés au Rwanda, qui ne veulent pas quitter ces terres et ces maisons. Alors, nous lançons un appel à ceux qui sont encore au Rwanda de rentrer chez eux, il n'y a pas de problème. Vous voudrez bien nous excuser pour ces éléments sonores enregistrés au téléphone. La ligne téléphonique n'était pas bonne. Les accords de Cotonou entre l'Union européenne et les pays ACP dans le Burundi ont déjà pris fin, d'où la nécessité de nouveaux accords. C'est le chef de l'État burundais qui l'a fait remarquer vendredi lors d'une émission publique à Gitega. Le président Évariste Ndayishimiye a également mis en garde certains intervenants en matière de construction des routes. Mireille Kanyangé revient sur quelques points de cette émission. Entre autres questions soulevées lors de cette émission publique, la première, trois mois après l'investiture du président burundais, figure le délabrement de certaines routes après la réfection. C'est désormais l'agence routière qui endossera la responsabilité, répond le numéro 1 burundais. Quand une route est tracée dans ta localité, sachez d'abord qu'elle t'appartient et veillez sur cette infrastructure. Sinon, on serait amené à les reconstruire et d'autres alors. Désormais, si une route est délabrée en peu de temps, ça sera aux responsables de l'agence routière de répondre. Cette construction est de la responsabilité de l'État et non des organisations de construction. En ce qui est de la déclaration des biens dès l'entrée en fonction de certaines personnalités publiques, telles que prévues par la Constitution, le président Évariste Ndayishimiye parle d'une nécessité de réorganisation. Nous avons trouvé que ce n'est pas bien organisé de notre entrée en fonction. Nous avons vu qu'une seule personne peut passer une semaine sans déclarer ses biens. Il est donc souhaitable que la Haute Cour de justice réorganise cet acte car ce n'est pas un procès, mais la déclaration des biens. Et au terme des fonctions, s'il y a des écarts inquiétants, là alors, il faut bien vérifier. Quant à l'accord de Cotonou, accord entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, spécialement l'article 96 parlant de l'aide au développement, le chef de l'État précise que cet accord a pris fin. De nouveaux accords devraient être prévus. En matière de coopération, les pays se conviennent sur les clauses. En ce qui concerne l'accord de Cotonou, nous savons que c'est déjà fini. On ne peut pas continuer à discuter sur ça. Mais plutôt, il faut penser à de nouveaux accords. Je sais qu'eux aussi, ils voudraient que nous soyons partenaires. Donc, que ces accords ne nous freinent pas. Continuons. Signé en 2000 entre l'Union européenne et 79 pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, cet accord se termine avec fin 2020. C'est un accord reposant sur certains principes en ce qui est de l'aide au développement. C'est notamment le dialogue politique, le respect du principe de la gouvernance démocratique et du respect des droits de l'homme. Mireille Kanyang. Les commerçants du marché Kanyosha en réhabilitation se plaignent de ne pas travailler comme il faut à cause de la pluie et du soleil. Le commissaire de ce marché dit que les travaux de numérotation des stands sont en cours. Après quoi, une réunion de tous les commerçants sera organisée pour leur expliquer comment les activités vont continuer. Jean-Marie Mayonga. Ces commerçants du marché d'eau Kanyosha disent qu'ils sont menacés par le soleil et la pluie qui endommagent leurs produits. Ces commerçants demandent à ceux qui sont entrés de construire ce marché de tout faire pour qu'ils regagnent leurs anciens stands. À notre arrivée à ce marché, nous avons vu que les travaux de numérotation des stands étaient déjà commencés par les personnes envoyées par la mairie, selon le commissaire de ce marché d'eau Kanyosha. David Ndaisenga nous a également signalé qu'après les travaux de numérotation de ces stands, une réunion de tous les commerçants sera organisé pour leur mettre au courant des activités prévues pour qu'ils puissent s'organiser et démarrer leurs activités à l'intérieur de ce marché. Merci Jean-Marie Mayonga. Et en bref, 9 cas positifs de la COVID-19 qui s'ajoutent aux 12 cas ont été enregistrés la semaine dernière du 21 au 27 septembre. Selon le compte Twitter du ministère de la Santé publique, ces 9 personnes proviennent de l'extérieur du pays et 2 sont parmi les 104 voyageurs de Brussels Airlines et 1 parmi les 30 voyageurs de Ethiopian Airlines et enfin 5 rapatriés burundais. Et plus de 150 personnes réclament le versement d'un total de 30 millions de francs burundais pour leurs prestations lors de la campagne de distribution des moustiquaires l'an dernier. Certains d'entre eux déclarent ne plus savoir à qui adresser les réclamations au sein des organisations à base communautaire qui les ont employés. L'on précise que le dossier est suivi par l'organisation Caritas qui avait gagné ce marché de distribution des moustiquaires en collaboration avec les organisations à base communautaire. Nous reviendrons sur cette information. Également dans l'actualité, lancement officiel du programme d'appui à la société civile du Burundi. Les porteurs du projet affirment qu'il vient renforcer la bonne gouvernance. Selon le représentant du ministère de l'Intérieur, ce projet permettra la mise en pratique des projets du gouvernement, y compris le plan national de développement. Ce projet, qui sera financé par l'Union européenne, sera exécuté dans 26 communes des 6 provinces. Est un projet qui est financé par l'Union européenne pour un financement d'à peu près 13 milliards de francs burundais et qui sera mis en œuvre par deux organisations non gouvernementales étrangères, Oxfam et Cordaid. Ces organisations sont porteuses du projet, mais les organisations de la société civile sont en collaboration et en partenariat avec ces ONG pour l'exécution effective de ce projet dans 6 provinces et dans 26 communes de ce pays. Ainsi, pour dire qu'il y a une synergie d'intervenants, il y a l'Union européenne, bien sûr, qui a financé. Ce programme consiste à renforcer les capacités des intervenants à tous les niveaux et particulièrement l'administration locale, l'administration communale et provinciale. À l'occasion de cet atelier, les gouverneurs, les administrateurs vont être informés chacun en ce qui le concerne, de son implication, de ce qui est requis au niveau de chaque partie et de chaque niveau d'intervention pour que la synergie puisse réussir positivement. Vous le savez, le Programme national de développement, le PND 2018-2017, il a un axe, l'axe 3, relatif à la démocratie, la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Nous avons trouvé, analysé, suivi de par le passé des programmes dans certains intérêts au niveau théorique, mais qui n'ont pas abouti à leurs objectifs. Après exécution, où on a mesuré l'impact et que l'impact était négligeable, alors que c'était des projets d'intérêt. Aujourd'hui, le message que nous adressons est de l'inclusion des autorités locales pour s'approprier de ce programme. Ce n'est pas un programme des ONG, ce n'est pas un programme des organisations de la société civile, mais c'est aussi un programme et un projet des autorités locales ainsi que de l'administration. Nous espérons que les communes des provinces de la zone d'intervention vont être renforcées en capacité pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et même l'évaluation des plans communaux de développement communautaire PCDC dans le cadre du programme général du gouvernement de la décentralisation. Salvatore Nzigimana, qui représentait le ministère de l'Intérieur, au lancement officiel du programme d'appui à la société civile du Burundi. Vous aurez compris qu'il s'est un peu trompé en parlant du programme PND qui s'étend de 2018 à 2027 et non 2018-2017 comme il le disait. Place maintenant au reportage du jour. À la source, reportage. Les habitants des différentes collines de la commune de Guitiragna en province de Muyinga affirment avoir fait des progrès en matière de réconciliation après des divisions ethniques liées aux partis politiques dans le passé. Selon eux, de même que l'administration, la vérité sur le passé douloureux est nécessaire afin que cette situation ne se reproduise plus. Au niveau de l'organisation Miparec, qui intervient dans l'encadrement de cette population, l'ONU estime que la réconciliation passe par le dialogue. Eline Nibel, Niwigira. C'est un des habitants de la commune Guitiragni, Evariste Birikunzira, de la colline Masaka, est encore jeune. Il affirme que les divisions sur base ethnique et des partis politiques n'existent plus grâce aux séances de sensibilisation. Selon lui, la vérité est sine qua non dans la réconciliation. Gratien Misago de la colline Mihigo est un sexagénaire qui se rappelle de son départ en exil pendant la crise de 1993, partant ainsi avec l'administrateur communal de Guitiragni à l'époque. Mais aujourd'hui, les divisions ont cessé, dit-il. Le chef de colline Mihigo, une des collines où se déroulent ces séances de paix et réconciliation, témoignent que les jeunes ont été conscients de la défaillance de leurs ancêtres dans le passé. Godebert Miburo trouve que connaître la vérité aide les jeunes à couper court aux idées divisionnistes. Les jeunes sont déjà conscients que nos grands-parents ont contribué dans le passé douloureux. C'est pourquoi nous organisons ces genres de rencontres. Nous souhaitons que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Nous formons cette nouvelle génération pour qu'elle ne puisse tomber dans la même erreur. La population a déjà compris que les divisions ne servent à rien. Plutôt, ils se mettent ensemble dans les travaux de développement pour l'avenir du pays. Ce programme de réconciliation de la population est appuyé par l'organisation Miparec. Chantal Bidimana, coordinatrice de ce programme dans les provinces de Cibitoke, Muyinga et Bujumbura, dit que le début de la réconciliation, ce qui a été choisi par cette population de Muyinga. C'est à travers le dialogue que la population a soulevé ce qui devrait être fait, car on ne peut pas ignorer le passé, puisque c'est à travers lui que nous construisons un bon avenir. En effet, le souhait était d'introduire des dialogues intercommunautaires pour que les gens se mettent ensemble en trouvant solution à ce qui convient pour un bon avenir dans la société. Les habitants de la commune de Guitiragni, en province de Muyinga, appellent les jeunes et les adultes à la réconciliation et à se servir de leçons, le passé. On parle maintenant du sport. Ce sera pour terminer ce journal. La formation masculine amicale a remporté ce dimanche la finale du championnat national de volleyball édition 2020. C'est après avoir battu la formation policière de Rukinzo sur un score de 3-7 à 2. Côté féminin, c'est l'équipe militaire de Muzinga qui a été sacrée championne après avoir éliminé Jenda Light Club par 3-7 à 1. Et lors des matchs comptant pour la demi-finale livrée samedi, l'équipe de Muzinga avait battu les As sur un score de 3-7 à 0 au moment où chez les hommes, Amical avait éliminé Muzinga sur un score de 3-7 à 1. C'est la chronique sport et là aussi on parle du volleyball. Radio Isanganiro, chronique sport. Les compétitions de sitting volleyball sont organisées dans trois régions du Burundi où les équipes classées premières s'affrontent au championnat national. Le président du comité national paralympique, Jeune Nsabayezu, fait savoir également que les premières équipes au championnat national sont celles qui représentent le Burundi dans les compétitions régionales. Marie-Claire Kazeneza. Les compétitions de sitting volleyball sont premièrement organisées dans trois régions où les équipes classées premières se rencontrent dans le championnat national. Cela est dit par Eugène Nsabayezu, président du comité national para-olympique. Les compétitions, nous les organisons, nous commençons dans des régions. Actuellement, nous avons quatre régions paralympiques. Donc, il y a une région qui est composée par Makamba, Rumonge, Wururi et Rutana. Et souvent, les jeux se passent à Makamba, au centre des personnes handicapées Saint-Bernard de Makamba, parce qu'ils ont eu la chance de construire un terrain de sitting volleyball avec les dimensions standards. Deuxième région se trouve à Gitega, où se rencontrent les provinces de Gitega, Karusi, Ngaro, Muramvya, Ngozi, Kayanza et Muyinga. Et la troisième région, c'est ici à Bujumbura, où se rencontrent les équipes qui proviennent des provinces de Bujumbura, Meri, Bujumbura, Bubanza et Cibitoki. Ce président du comité paralympique au Burundi affirme que les équipes qui remportent la finale du championnat national représentent le Burundi dans les compétitions régionales de sitting volleyball. Ce dernier fait savoir que ce sport de sitting volleyball fait face à plusieurs défis, surtout le manque des moyens financiers. Et les défis que nous avons, c'est surtout des défis qui sont liés aux moyens financiers. Vous savez très bien, pour pouvoir organiser un championnat au niveau des régions, au niveau national, ça demande beaucoup de moyens. Parce que même les équipes, même les athlètes, ils ont besoin de déplacements parce qu'ils n'ont pas de sponsors au niveau des provinces. Donc ça, c'est un défi qui est très important parce que même au niveau du paralympique, on n'a pas vraiment un budget ou des sponsors permanents. Quand on veut organiser le championnat, on essaie d'envoyer des lettres de demande de sponsors aux différents partenaires, aux différentes entreprises, mais peuvent vraiment nous répondre. Ils ont cette idée-là que les personnes handicapées ne peuvent rien, ne peuvent pas avoir du public pour venir assister à son genre d'activité. À cela s'ajoute l'insuffisance des infrastructures et le personnel technique, surtout les classificateurs, selon Eugène Nsabayezu. L'autre problème, c'est un problème qui est lié au personnel technique, surtout pour les classificateurs, parce que pour jouer normalement, un athlète est classé. Il est classé suivant des catégories et selon son handicap. Le seul classificateur qui avait été formé, il n'est plus disponible au niveau du comité paralympique. Donc vous comprenez très bien que c'est un défi parce que ça peut même engendrer des conflits entre les équipes parce qu'on peut des fois refuser un athlète parce que quelqu'un qui dit qu'il a un handicap dans un doigt, qu'il a un handicap dans un œil, mais que les autres parties fonctionnent très bien. Et l'autre défi, c'est un défi qui est lié aux infrastructures et aux équipements sportifs. Parce que la seule infrastructure que nous avons, c'est l'infrastructure qui a été construit par Handicap National qui remplit vraiment les normes, sauf que cette facilité-là n'est pas couverte. Ce président du comité national paralympique demande au ministère ayant le sport dans ses attributions d'augmenter les moyens destinés au sport des personnes vivant avec le handicap. Les spectateurs leur demandent de venir massivement assister les compétitions de sitting volleyball. Marie-Claire Kazeneza, il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eli Kadogo. Micro Jean Bosco, Douimana, passez un très bon après-midi.